émission comme une oreille, novembre 2016, il y a du monde au Balkan, avec Jean-Baptiste et Florian. Bonjour. Pour cette thématique du mois dans l'émission Comme une oreille, émission spécialisée sur les musiques sous licence libre, on a décidé de se caler sur un style musical bien défini, sur la musique des Balkans et la musique des Balkans qu'on va retrouver un peu partout dans le monde et avec différentes interprétations, styles musicaux qui se mêlent. Et donc là, on vient de commencer par un morceau ukrainien, un morceau enregistré dans les années 30, ukrainien de l'artiste, le groupe c'est Ukrainska Orchestra Pavla Umeniuka. Donc Pavlo Umeniuk, c'était donc un ukrainien qui a immigré aux États-Unis au début du 20e siècle et qui a enregistré cet enregistrement date de 1925 et on va entendre trois morceaux, deux prochains morceaux, un morceau italien et un morceau grec, qui sont des morceaux qui ont été d'abord enregistrés et pressés sur 78 tours et ensuite numérisés par un blog qui est spécialisé dans les musiques traditionnelles et musiques folkloriques du monde entier qui s'appelle Excavati Celac. Et voilà, on va enchaîner avec Giovanni Vicari et Kostas Gus Gadinis, donc sur, comme tu disais, Excavated Shellac. Donc trois morceaux, ces trois morceaux-là sont sous licence libre parce qu'ils sont dans le domaine public. Voilà, on écoute Giovanni Vicari. Thank you. Et on vient d'écouter trois morceaux, les deux derniers. Donc c'était Kostas Gus Gadinis et juste avant c'était Giovanni Vicari. Le premier c'était Ukrainska Orchestra Pavla Umeniuka. Trois morceaux qui ont été enregistrés dans les années 20-30 par le label Columbia. En fait, c'est d'abord sorti en 78 tours par le label Columbia qui avait plusieurs labels, le label rouge et le label vert notamment, peut-être plus, en fonction des endroits dans le monde où ils enregistraient. Ces musiciens folkloriques et traditionnels. Et ces enregistrements ont donc été renumérisés, ils sont maintenant tombés dans le domaine public et renumérisés par Excavated Shellac. Pour dire plus généralement la thématique qu'on a voulu prendre sur les musiques balkaniques qui sont forcément très larges, là on vous a fait ces trois musiciens, groupe un peu historique, comme tu disais, des débuts du XXe siècle, avec entre autres ce Ukrainska Orchestra et un musicien ukrainien. Et en fait, là, ça va être un parcours de... On a dit, il y a du monde au Balkan, parce que de passage et d'héritage de ces musiques-là, qui ont été, après, vous allez pouvoir en écouter quelques-unes très diverses, reprises par des groupes très diverses qui sont en Europe de l'Est, mais bien ailleurs, en Europe, sur le continent américain. Et voilà, c'était l'idée de reprendre ces musiques traditionnelles et qu'on participer à l'enrichissement culturel assez large et qu'on passait les frontières bien largement au-delà des Balkans. Voilà, et là du coup les deux prochains morceaux qu'on va écouter sont des enregistrements beaucoup plus contemporains. Un qui date de 2015 par un groupe toulousain, français donc, qui s'appelle Derin et Golem, et un autre américain qui s'appelle Fish Tank Ensemble. Et c'est parti, on écoute Derin Golem. Voilà, on vient d'écouter deux morceaux d'Erin et Golem, donc le morceau qui était le premier morceau là, qui était assez rock, qui est donc un groupe toulousain, un duo, batterie-violon, comme vous avez pu l'entendre. Le batteur, c'est le batteur d'Ultra Démon, un groupe de rock noise qu'on a déjà passé dans une émission comme une oreille. Et elle, la violoniste, elle est d'origine albanaise. Sa famille en tout cas, et leur but dans ce duo, là, ce nouveau projet qu'ils ont commencé l'année dernière, et effectivement de reprendre des musiques d'influence traditionnelle ou folklorique albanaise et de les faire à leur propre sauce en essayant de faire ressortir la trance. Ils sont passés en concert il n'y a pas très longtemps à Fort Calquier, fin septembre, au Garagel, et c'était un très très bon moment, c'était vraiment bien. Et le deuxième groupe qu'on vient de passer, c'est Fish Tank Ensemble, un groupe de Californie. C'était un morceau qui a été enregistré au festival Golden Festival, qui est un festival à New York qui, depuis 30 ans, pendant deux jours tous les ans, se focalise sur les musiques balkaniques. Voilà. Et les enregistrements sont tous diffusés sous licence libre. Et festival, à nouveau pour redire de ce qu'on a pu lire, se faire rencontrer à la fois les communautés qui viennent des Balkans et les dits étrangers, entre guillemets, aux États-Unis, mais se faire rencontrer et faire ces ponts entre cet héritage de musique d'Europe de l'Est. Voilà, ils disent de leur musique, what is gypsy music? It's party music. On va enchaîner avec un morceau d'un compositeur polonais, qui s'appelle Pietnatska, Piotr Kurek, en fait, de Varsovie. Et qui lui, donc là, c'est un enregistrement avec un musicien français aussi, qui fait de la musique électronique, plutôt dans le drone, des grosses nappes sonores. Et il dit s'influencer énormément des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est. Ça ne s'entend pas forcément à la première écoute, mais c'est un très très chouette morceau. Donc on écoute Pietnatska, un morceau qui s'appelle Salto. We'll be right back. j'écoutais toujours comme une oreille. Il y a du monde au Balkan, des musiques diverses d'influence balkanique. Et là, on vient écouter Piet Natska, un compositeur polonais. Et maintenant, on va écouter un groupe qui s'appelle The Freak Fandango Orchestra, qui lui est espagnol. Et ensuite, un groupe de brass band qui viennent de Hollande et qui s'appelle Brass Mataz. On écoute The Freak Fandango Orchestra Mundo Cannibal. Plantage Brass Mataz qui vient là, vient pas de Hollande mais de Belgique, de Gand, c'est une fanfare de Gand. On écoute Brass Mataz quand même. Voilà, on vient d'écouter Braz Mataz, un morceau qui s'appelle Hua. Et juste avant, c'était The Freak Fandango Orchestra. Le morceau s'appelait Mundo Cannibal. Donc deux titres de groupe d'ambiance un petit peu punk, avec grosse influence quand même des musiques balkaniques, puisque c'est la thématique de cette émission. Et là, on va enchaîner sur un autre groupe un peu punk aussi. Groupe Polka Madre, qui est un groupe mexicain. La chanson qui s'appelle Gitanas Moradas, les gitanes humides, mouillées. Un groupe vraiment très intéressant qui mélange, comme peuvent le faire, des inspirations balkaniques, de la polka, du rock, vraiment beaucoup de choses différentes qui ont aussi, je les ai vus sur scène, vraiment une présence scénique vraiment très énergique, très théâtrale. Et de ce qu'on a pu voir aussi raconter, ils peuvent partir comme le font des personnes en Europe de l'Est, Rome ou autre, dans une chose très nomade et très aventurière, où ils ont pu naviguer sur les côtes des États-Unis, aller dans des squats en Hollande, passer dans des cabarets théâtraux en Hollande pendant 24 heures, où on nous dit anecdotiquement qu'on perd beaucoup de neurones là-bas, mais voilà, avec cette tradition aussi, pas que musicale, mais de fête et de jouer avec une chose assez aventurière ou de rencontre avec les gens. Allez. Et en tout cas, trois personnes du Mexique et une personne des États-Unis, je crois, le chanteur. Sans mur entre les deux. the store. Bottom of the ninth and the second got the score. If not, I gotta move on to the next floor. Here comes the three to the two to the one. Homeboy tripping, he'll know I got the. When it come to popping, we do this for fun. You ain't got one sticking, you better run. Now I'm in the back getting from my huns. Why she going down, I'm bragging on what I done. She smoking my stuff, saying she ain't having fun. Chick, give it back, now you don't get none. Everybody in the club getting gypsy. Everybody in the club getting gypsy. Nous avons écouté dans l'ordre Polka Madre avec Ritanas Moradas, donc groupe, comme on le disait avant, de Mexico, de la ville de Mexico, avec deux Mexicains, une Mexicaine, un chanteur des États-Unis et un États-Unisien finlandais. Voilà, et dans un journal, La Jornada, journal local de là-bas, ils nous disent qu'ils sont, ils se définissent comme ni punk ni gitan, mais vagabonds. Ok. Et un groupe multiethnique aussi, il disait pas ça. Et juste après, là, on vient d'écouter Fexomat et Summon. Fexomat, c'est un DJ berlinois, allemand. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Too Much Beer Makes Me Gypsy. Donc, trop de bière me transforme en gitan. D'un titre. Alors que c'est un mythe, les gitans boivent plutôt des alcools forts que de la bière. Et c'est tiré d'un disque qui s'appelle Need Some Folk, qui a été édité par un label qui est basé à Taïwan, qui s'appelle Sociopath Recordings, et qui est donc un label de musique électronique. Et là, on l'entendait, donc musique klezmer mélangée à du breakcore et du hip-hop, pour un morceau qui dépoté plutôt pas mal. Et là, on va revenir à deux morceaux de brass band assez plus classiques dans les musiques balkaniques qu'on connaît. On va d'abord écouter Black Beer Combo et Zlatnie Ustie Balkan Brass Band. Voilà, deux morceaux de fanfare. Là, on vient d'écouter deux morceaux de Fanfare. La première, c'était Black Beer Combo, un groupe de Chicago. Un morceau qui s'appelait Otrof, qui était tiré de l'album Game of Death. Et le deuxième morceau, c'était un morceau de Zlatnie Ustie, qui est un groupe de New York, c'est ça, de Brooklyn. Et c'était un enregistrement live enregistré à la radio WFMU, c'est une radio libre américaine qui existe depuis très longtemps, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises dans cette émission. Une des premières radios libres américaines qui est toujours en activité aujourd'hui, qui date des années 50, et qui fait énormément de programmes musicaux, de programmes musicaux souvent assez marginaux, et qui fait venir beaucoup de groupes en concert dans les studios, qui les enregistre et qui diffuse les résultats de ces enregistrements sous licence libre à chaque fois. Donc là, c'était un morceau qui s'appelait Srebrin. Voilà, et là on va enchaîner avec un live, un autre enregistrement de concert aussi, enregistré au Golden Festival de New York, dont on parlait tout à l'heure, avec un groupe de musique traditionnelle turque qui s'appelle Orchestra Keyif, et le morceau s'appelle Saba Saba Seredelim. Çeviri ve Altyazı M.K. c'est l'émission Comme une oreille, thématique Il y a du monde au Balkan. Émission de musique en libre droit de diffusion avec Jean-Baptiste et Florian. Et vous pouvez réécouter tous ces morceaux-là sur le site de Radio Zinzine ou aussi sur le blog communeoreille.blogspot.fr où du coup vous avez un lien vers tous les morceaux qui ont été passés ce matin. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis on vous retrouve le mois prochain pour la prochaine émission Commune Oreille. Deuxième lundi de chaque mois à 11h. À bientôt.